Ok. Alors. Dans le reste du cours, ce que je voudrais faire, après avoir montré un peu mis en perspective, que quelqu'un me pose la question, mais quel est le rapport entre ce cours et les autres cours? C'est vraiment une mise en perspective des méthodes de recherche dans leur contexte plus large. Un petit peu de concentration. Il y aura un grand moment de cinéma jusqu'à ça. Voilà, ben j'espère. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'évidemment, ici, on essaie de mettre les choses dans une perspective plus large. Hein. Et puis, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est comment les sciences humaines s'inscrivent dans une perspective scientifique occidentale. J'essaie de vous montrer comment ça a inspiré des approches quantitatives qui inspirent des méthodes encore présentes aujourd'hui, puisqu'on va les pratiquer dans le cours. On a essayé de voir les limites de ces méthodes quantitatives, avec les limites des statistiques, en tout cas les limites dans l'interprétation des statistiques, et avec certains autres écueils. Alors pour introduire ce que je voudrais encore faire aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire voir un peu la spécificité des méthodes qui ne sont pas quantitatives mais qualitatives, j'aime bien les introduire avec cette scène, votre film préféré, L'âge de glace, je ne sais pas si c'est un, deux ou trois, je dis pas, hein, ou quatre même, hein, mais c'est le moment, et je le raconte parce que je ne suis pas sûr qu'on aura le son, donc au moins on aura l'histoire. C'est le moment où Mani, hein, donc la super mammouth femelle, hein, qui vit avec ses... la mammouth femelle qui vit avec des opossums et qui est persuadée... Et qui est persuadée d'être un opossum elle-même, rencontre Mani. Voilà, Mani qui est effectivement là, le mammouth mâle. Et voilà. Donc on va regarder la scène, mais s'il n'y a pas le son, on la regarde que quelques secondes et puis je la commande parce que sans les paroles, c'est quand même moins intéressant. Tout ce qui m'intéresse ici. Ridiculous, I'm not a mammoth, I'm a possum. Je vais quand même vous demander quelque chose de sérieux pendant cette séquence qu'on va regarder. On va regarder cette séquence, donc je vous ai un peu raconté pour ceux qui ne connaissent pas le film, le contexte. Hein. Et posez-vous la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les méthodes quantitatives qu'on a vues jusqu'à présent pour comprendre ce qui se passe? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose, oui ou non? Et sinon, pourquoi? Donc essayez de réfléchir à ça. C'est pas très très compliqué. I knew it! I knew I wasn't the only one! Me too! Everyone falls out of the tree every now and then. They just don't admit it. Wait, what? Some of us have a tough time holding on to branches. I mean, it's not like we're bats or something. We don't have wings to keep us up. And you were in the tree because... Oh, I was looking for my brothers. They are always getting into trouble. Brothers? You mean there's more? Sure. There's lots of us. Where? Everywhere. Under rocks and holes in the ground. Usually come at night so birds don't carry us off. Huh? Help! Help! Help! Well, shave me naked and call me a pervert. You found another mammoth. Where? Wait a minute. I thought mammoths were extinct. What are you looking at me for? I don't know. Maybe because you're a mammoth? Me? Don't be ridiculous. I'm not a mammoth. I'm a possum. Right. Good one. I'm a newt. This is my friend the badger. And my other friend, the platypus. Why do I got to be the platypus? Make him the platypus. Alors, Bon, est-ce que quelqu'un peut répondre à ma question de tout à l'heure? Ce qu'on a vu se passer ici, ce ne sont pas des individus, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des animaux anthropomorphisés. Est-ce qu'on s'est bien équipé avec les méthodes quantitatives pour analyser la situation et la comprendre? Ce qu'on vient de voir, ce mammouth qui monte dans les arbres, qui pense que les mammouths sont éteints et qui est content de présenter ses frères et sœurs, ses sœurs, le grand champ. Ok. Est-ce qu'on peut analyser ça avec les méthodes dont on a parlé jusqu'à présent? Est-ce que ça a du sens, je ne sais pas moi, d'essayer de faire un questionnaire et puis un traitement statistique ou... Oui? Non? Ok, à mon avis, non. Je pensais que c'était relativement, que la question était trop simple, mais en fait peut-être pas. En fait, ce que je veux montrer par là, c'est que ce qui se passe ici, pour un observateur, imaginons qu'on soit ce chercheur, dans un sens du fait que la situation n'est pas très réaliste, et qu'on voit un mammouth qui se comporte comme un opossum, qui est persuadé que les autres opossums sont de sa famille, et qui quand il voit un autre véritable mammouth, ne le reconnaît pas comme un mammouth. Ce qui se passe, c'est que toutes leurs interactions, en tout cas du côté... du mammouth femelle et des opossums, ils fonctionnent vraiment comme si c'était tous des opossums, puisque les opossums, eux aussi, ont l'air de considérer la mammouth femelle comme leur sœur. Hein, on est d'accord. Bon, je ne crois pas que c'est avec des approches quantitatives, avec un rapport, entre guillemets, positiviste au réel, où on observerait les choses de manière distanciée, qu'on pourrait y arriver. Et donc, ce que je voulais montrer par cet exemple, c'est que cet exemple, justement, et nous montre que parfois, pour comprendre des interactions sociales, et là on est vraiment au niveau micro, hein, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a le mammouth, la mammouth, les opossums, et puis deux, trois autres bestioles qui arrivent avec, avec monsieur mammouth, il y a le tigre, et on va commencer à chicaner, c'est pas l'objet, mais on est dans une situation micro-sociale, peu d'individus, ils se comportent d'une manière qui est anormale, on n'est pas dans la régularité statistique, hein, normalement un mammouth ne devrait pas monter dans un arbre. Or, c'est quand même vachement intéressant, en tant que chercheur, c'est intéressant de comprendre. Qu'est-ce qui nous permettrait de comprendre les choses, à votre avis? Quelle méthode vous utiliseriez? L'approche qualitative. Une approche qualitative, oui. Par exemple, on pourrait imaginer de faire des entretiens avec les opossums, avec la mammouth, avec le mammouth, pour comprendre comment eux se vivent en tant que mammouth en tant qu'opossum, et on comprendrait qu'il y a quelque chose dans leur représentation qui n'est pas entre guillemets normal. On peut le comprendre par les dialogues, c'est un dessin animé. Dans la réalité, les gens n'expriment pas leur situation aussi clairement que dans un dessin animé. Donc ce que je veux dire par là, s'il faut complètement déconner la chose, c'est que très souvent, et là on oublie les mammouths et on vient aux êtres humains, pour comprendre comment des choses se passent en société, comment des gens interagissent ou comment des gens communiquent, pourquoi un mammouth appelle Sisters and Brothers des opossums? Il ne faut pas se contenter d'un rapport positiviste et distant, d'une analyse quantitative, mais il faut essayer de percer des représentations, comment les gens se représentent leur propre situation et la situation dans laquelle ils évoluent. Et ça, ce sont effectivement les méthodes qualitatives qui vont nous le permettre, et pas seulement pour les mammouths, mais dans des tas d'autres situations également. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin des méthodes qualitatives? Au départ, nous avons des exemples de... Comment la mammouth? C'est un problème de Élie, ok, voilà, au départ de l'exemple d'Élie et Mali. Ok. Eh bien, les phénomènes humains, ils sont extrêmement complexes. Alors, la nature, elle est complexe aussi, hein. Mais ce qui est particulièrement complexe pour un chercheur qui étudie l'être humain, que ce soit la société ou la communication des êtres humains, que ce soit par l'intermédiaire des médias ou en communication directe, c'est qu'il est très difficile d'isoler une variable d'une autre. En psychologie, on fait des expériences de laboratoire avec les êtres humains, mais c'est très compliqué, mais on ne le fait pas dans la plupart des disciplines des sciences humaines. Il est très difficile d'isoler des variables. Quand vous étudiez un animal ou quand vous étudiez un minerai, c'est relativement plus simple de décomposer, pour les minerais ici, la composition chimique, d'isoler tel pour ses constituants moléculaires on étudie un organe. Par contre, si vous étudiez un individu en tant qu'être social et être qui communique, on peut difficilement isoler sa variable telle variable d'une autre et tester en laboratoire telle variable par rapport à une autre. C'est plus difficile de faire ça que dans les sciences de la nature. Ensuite, les phénomènes humains qu'on étudie dans les sciences humaines et les sciences de la communication, ils sont ce qu'on pourrait appeler globaux, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois globaux, de nos jours, Dieu sait s'il y a des tendances internationales et globales, mais ils ont toujours un ancrage très local. Ce qu'on observe à New York n'est pas nécessairement vrai pour Bruxelles. Ce qu'on observe dans telle commune de Bruxelles n'est pas nécessairement vrai dans telle autre commune de Bruxelles. Et ça rajoute à la complexité. Et ça, les approches quantitatives, elles peuvent nous aider à percevoir les spécificités locales, mais parfois elles ne suffisent pas. Les phénomènes, ils sont évolutifs. Je sais bien, la nature, elle évolue aussi. La nature, les étoiles, les planètes, on sait bien que dans X milliards d'années, la Terre n'existera plus, et dans encore plus d'X milliards d'années, le système solaire n'existera plus, et encore plus X milliards d'années, c'est tout l'univers qui aura disparu. Enfin, c'est des échelles de temps incommensurables. Ici, l'être humain et les sociétés humaines, en l'espace d'années, de dizaines d'années, les évolutions sont beaucoup plus importantes que dans la nature. Ensuite, et ça je crois qu'on l'a assez montré, nos comportements en tant qu'être humain ne sont pas uniquement liés à des règles extérieures, des règles naturelles, mais sont liés à des motivations et la manière dont nous-mêmes nous représentons les choses, les individus, dont nous représentons nous-mêmes. C'est intéressant d'étudier les cas exceptionnels. Franchement, j'étudierais les opossums et les mammouths, je serais assez intéressé d'étudier ces trois spécimens en particulier, pas parce qu'ils sont normaux, mais justement parce qu'ils sont anormaux, ils sortent de l'ordinaire, ils vont peut-être m'apprendre davantage sur la société des mammouths et des opossums, par contraste, qu'uniquement les régularités statistiques. Les comportements humains, évidemment, ils ne sont pas figés dans le bronze une fois pour toutes, ils se redéfinissent dans nos interactions, dans la manière dont nous échangeons, dans la manière dont nous communiquons. On ne peut pas les fixer, ce n'est pas parce que j'aurais fait un entretien de recherche avec l'un ou l'une d'entre vous aujourd'hui que dans deux semaines il se reproduira de la même manière. Vous aurez un autre vécu dans deux semaines, peut-être qu'il vous sera arrivé des événements diffractiques en sociologie qui font que vous aurez changé des choses par rapport à vos représentations. Et finalement, et ce n'est pas le moins important, il y a une différence très importante pour le chercheur en sciences humaines par rapport au chercheur en sciences de la nature. C'est que nous ne sommes pas aussi neutres en tant que chercheurs en sciences humaines que peut l'être un chercheur dans les sciences humaines. Si j'étudie une étoile, je vous parlais de l'univers, imaginons que je sois absolument fasciné par Alpha du Centaure, par exemple, c'est pas vrai, enfin imaginons. Peut-être que je vais être fasciné, mais enfin il y a quand même peu de chances que j'en tombe éperdument amoureux d'Alpha du Centaure. Tandis que, c'est extrême évidemment, mais le chercheur qui interagit avec des êtres humains, il est rare qu'il tombe amoureux des personnes qu'il interroge dans le cadre d'enquête, encore que ça doit peut-être s'être déjà produit dans l'histoire de la recherche en sciences humaines, mais il a des affects. Il est lui-même un être humain. Il ne peut pas s'isoler complètement de la situation qu'il analyse. Et ça, c'est une grosse différence en fonction qu'on étudie des êtres humains et leur communication, ou qu'on étudie des supernovas. Ok, donc tout ça à partir de nos amis Élie et Mani. Bien. Eh bien, tout comme je vous ai fait une petite histoire des sciences occidentales et comment elles étaient arrivées à ces approches quantitatives en sciences humaines, je crois qu'il est bon aussi de resituer un peu, pour comprendre d'où viennent les méthodes qu'on va utiliser dans le cadre de ce cours, resituer un peu les approches dites qualitatives dans un contexte historique aussi. Il y a plein de noms que je laisse tomber, je vais juste sélectionner quelques-uns. Un autre pourrait dire, mais pourquoi il parle de dignité et pas de machin, de truc et pas de Z, de pas Y, pourquoi? J'ai choisi des bornes importantes. Alors dignité, ben, c'est un philosophe allemand, et il est un des premiers au 19e siècle à avoir dit, pour étudier, un peu contrairement à Durkheim finalement, pour étudier les comportements humains, on ne peut pas utiliser les sciences de la nature. On doit développer des approches spécifiques, mais lui il parlait de sciences de l'esprit. D'ailleurs on est demandé, et en allemand, on est en allemand, Wissenschaften du côté flamand du pays pour les sciences humaines, et en allemand c'est un peu intéressant, mais je ne parle pas allemand, je ne vous dirai pas. Donc les sciences de l'esprit, Dilthey était un des premiers philosophes, et puis on va utiliser d'autres méthodes pour comprendre les comportements humains et la communication humaine, notamment lui parlait de l'importance de l'introspection, de la réflexivité, de réfléchir sur ses propres comportements personnels. Ensuite, Max Weber, qui est sans doute plus connu que Dilthey, un des pères de la sociologie, autant peu caricatural, mais Durkheim, c'est les approches quantitatives, plus positivistes. Autant Weber, lui, c'est un des premiers qui a dit ce qu'il faut étudier en sociologie. Il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est les motivations personnelles des acteurs sociaux à agir comme ils agissent. Il faut essayer de comprendre ce qui les motive. Et ça, ça n'apparaît pas à distance. Il faut trouver des méthodes qui nous permettent de faire surgir ces motivations. Un autre sociologue, là c'est un Américain, c'est plus un Allemand, Alfred Schütz, qui est important dans cette histoire des méthodes qualitatives, lui, il a développé ce qu'on a appelé le paradigme interprétatif, et qui consiste vraiment pour simplifier les choses à puissance 100. C'est un peu le paradigme interprétatif que j'ai utilisé pour analyser Élie et Mani tout à l'heure. C'est de dire que l'être humain, finalement, il interprète en permanence les situations dans lesquelles il se trouve mon Dieu. Et il faut une clé, il faut que le chercheur obtienne une clé de ses interprétations pour comprendre ce qui se passe dans la société. Donc nous interprétons en toutes circonstances les situations dans lesquelles nous nous trouvons immergés, dans lesquelles nous interagissons, dans lesquelles nous communiquons. Et pour interpréter, on a ce que Schultz appelait un stock of knowledge, un stock de connaissances, hein, qui nous viennent par socialisation, par l'école aussi, et qui nous permettent de bien interpréter. Par exemple, quand je suis arrivé dans ce local tout à l'heure, j'ai pas hésité, j'ai su que j'avais à faire un cours. Imaginez que tout d'un coup, je me sois installé ici et que j'ai commencé à chanter. Outre que ça aurait été atrocement pénible pour chacun d'entre nous, donc vous étiez complètement à la masse. Pourquoi se met-il à chanter ? Parce que vous et moi, on a un stock de connaissances qui nous font interpréter cette situation dans laquelle nous sommes avec le plus grand plaisir pour le moment immergés, à savoir un auditoire et un gars qui donne un cours. On l'identifie comme un auditoire et un gars qui donne un cours. Si tout d'un coup il commence à chanter de l'opéra ou n'importe quoi d'autre, il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a plus les mêmes stocks de connaissances. Mais imaginons maintenant que vous soyez arrivé dans l'auditoire et qu'on par je ne sais quel ensorcellement, vous étiez tous autant moins persuadés que vous alliez assister à une performance de bel canto. Comment c'est possible, hein, tous hypnotisés. Et bien là, vous n'auriez pas été surpris, j'aurais chanté, vous auriez applaudi, peut-être, tout serait merveilleusement déroulé, et après 2 heures de récitation, je pense que j'étais très content. Bon, tout simplement parce que là, nous aurions interprété la situation de la même manière. Et ça, je vous écoute tout de suite, j'anticipe, mais c'est un autre sociologue américain, Thomas, c'est une chose très importante aussi, si on veut résumer ces approches qualitatives à l'extrême, il a dit qu'une situation, même si elle était fausse, mais si les gens la définissent d'une certaine manière, elle sera vraie dans ses conséquences. Et ça, c'est très vrai et très important pour l'étude des médias et de la communication aussi. Même si une situation est objectivement fausse, positivement parlant, c'est un auditoire, c'est un cours. Mais si vous et moi, on est d'accord de définir cette situation comme une merveilleuse occurrence pour chanter du bel canto, ça va se passer très bien. Et les conséquences, c'est que si je chante bien, vous m'applaudirez et je partirai hyper content d'avoir super bien chanté. Donc même si une situation est objectivement fausse, positivement fausse, si on la définit d'une manière congruente et qu'on est sûr de notre définition, les conséquences seront vraies. C'est assez puissant comme raisonnement, on peut appliquer ça à plein de situations. Si dans les médias on définit, et que le public des médias est d'accord de définir telle ou telle situation, n'importe quelle situation vous intéresse de telle manière, même si positivement elle est peut-être en tout partiellement fausse, nous allons agir sur base de cette situation comme nous la pensons. Donc ça c'est vachement important, cette idée qui nous vient de Schultz, du paradigme interprétatif et de ce qu'on appelle en général en sociologie l'axiome de Thomas, un sociologue américain. Si on définit une situation d'une certaine manière, même si c'est faux, objectivement, positivement, ce sera vrai dans les conséquences. Ok, je vais vraiment très vite, mais c'est pour situer les approches qualitatives encore une fois. Une autre origine importante de nos approches en recherche qualitative, et sans l'ethnographie, on n'aurait pas en particulier d'observation participante. Alors l'ethnographie, c'est une discipline inventée au XXe siècle aussi, en particulier le seul fondateur de l'ethnographie, mais un Américain d'origine polonaise, Malinowski. Et Malinowski, par rapport à ses prédécesseurs qui se contentaient d'étudier des récits de voyageurs, voire pour des époques plus anciennes, des récits missionnaires qui n'étaient évidemment pas toujours très objectifs sur la réalité rapportée, lui, il a été sur le terrain. Il a été en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec les personnes qui vivaient sur place. Il est resté pendant de longues périodes, et vous verrez tout à l'heure une très jolie photo où on le voit en Max Explorateur au milieu des Papous néo, je ne sais pas comment il faut dire, enfin, en tout cas au milieu des gens à qui il étudie. Il a fait l'effort d'apprendre la langue des personnes qu'il allait, entre guillemets, étudier, de se mêler aux populations et de rester, comme je disais, pendant de longs mois en observation. Et bien ça, c'est une autre origine importante des méthodes qualitatives, c'est l'ethnographie, et notamment avec Malinowski. En sociologie, les approches ethnographiques et justement l'observation participante, hein, le fait de s'immerger dans un milieu social, d'en faire parfois presque partie pour mieux l'observer, j'en reviendrai après pour prendre cette distance et analyser, évidemment, il y a un jeu d'engagement, dégagement, mais ça nous vient aussi de l'école sociologique, l'école de Chicago, une école de sociologie, il y a deux écoles, il y en a une au début du XXe siècle et puis une avec Bessier et Goffman dans les années 50-70, peu importe, ça c'est du détail dans notre contexte ici. Mais ces gens, que ce soit Thomas, que ce soit Bach, que ce soit Becker ou que ce soit Goffman, leur point commun, c'est qu'ils ont trouvé pour étudier la société, la micro-société, ils étudiaient souvent des micro-groupes, il fallait pouvoir s'immerger dans le milieu social. On n'étudie pas les gens à distance. Et c'est comme ça que Park, par exemple, a étudié, c'est un journaliste en plus, Park, donc il y a une proximité un peu avec nos études, Park a étudié le milieu de la criminalité à Chicago, non pas en devenant un criminel lui-même, mais en s'engageant, et il a fait quand même certains filons et certains tuyaux comme journaliste, en observant sur le terrain, la réalité de ces gangsters à Chicago dans les années 20. Becker, qui est toujours en vie, doit avoir 95 ou 100 ans, c'est très vieux. Mais lui, Becker, il a cette spécificité d'être à la fois, d'avoir été à la fois musicien de jazz et sociologue. Et au début de sa carrière, monsieur, je suis sûr que vous connaissez Becker mieux que moi. Oui ? Vous voulez dire quelque chose ? Vous êtes le bienvenu ? Non, je m'en doutais. Donc Becker, à la fois musicien de jazz et sociologue. Donc Howard Becker, au début de sa carrière, il n'avait pas de sous comme jeune doctorant dans les années 30-40. Et pour gagner de l'argent, il jouait dans des petits tripots, dans des clubs un peu interlopes, aux limites de la criminalité, du commerce de drogue, de la prostitution. Et il a étudié ce milieu tout en étant pianiste de jazz. C'est aussi typiquement cet esprit d'observation participant chez Howard Becker et Goffman, le dernier assez plus connu aussi de cette école de Chicago, lui qui est quand même mort il y a plus longtemps, mais il a vécu moins longtemps. Mais pour faire son doctorat, lui, par exemple, il s'était fait engager chez des paysans écossais en faisant croire aux paysans écossais qu'il était là pour gagner son travail comme étudiant, un job mais en même temps, ça lui a permis, en travaillant avec les paysans sur le terrain, d'avoir des observations participantes beaucoup plus riches que s'il avait utilisé les choses, étudié les choses qu'à distance. Donc mon message ici par rapport à ces différents auteurs, c'est de montrer comment ces approches qualitatives, finalement, elles consistent à se mouiller à un terrain, à s'engager dans un terrain, que ce soit par le biais d'entretiens qualitatifs, que ce soit par le biais d'observations participantes, que ce soit par le biais d'approches dites ethnographiques. Il faut avoir le temps, hein, dans le cadre d'un mémoire, mais difficile d'aller dans une population pendant des mois et des mois, de s'immerger. Je crois qu'il faut rester raisonnable sur ce qui est faisable ou pas dans le cadre d'un mémoire. Je me demandais, c'est... Pour en mémoire, justement, est-ce qu'on peut mixer deux approches qualitatives? Par exemple, moi je suis en art du spectacle et je vais j'espère, participer à un processus créatif. Donc je serai dans un milieu professionnel et à côté de ça, mon promoteur m'a suggéré d'aller faire des études de cas avec des interviews. Donc, du coup, je me demandais où se trouve la possibilité de mixer ces deux approches qualitatives? Ça, c'est le cas. Oups. C'est clairement quelque chose que vous devrez discuter dans le détail avec le promoteur. Voilà justement Malinowski, qui répond pas à votre question. Ah, c'est pas pour essayer de... Ouais, ce que je veux dire, sur le principe, franchement, plein de gens mélangent des approches. Il n'y a aucun problème. Pour autant, je dirais, il y a deux conditions. C'est que vous soyez très conscient de ce que vous mélangez et que vous ne vous laissiez pas emporter par les méthodes. Vous êtes conscient de ce que vous faites et vous savez pourquoi vous le faites. Quel est l'apport en plus des entretiens par rapport à l'observation participante ? C'est vraiment courant d'avoir des entretiens qui approfondissent certains aspects de l'observation. Ce qu'il faudra voir avec votre promoteur, c'est à quel moment de l'observation vous allez faire les entretiens. Parce qu'il est clair que le moment où je vais vous faire les entretiens aura un impact sur les relations que vous avez avec les personnes que vous observez et avec lesquelles vous participez à l'activité de création artistique. Donc il y aura plutôt un raisonnement sur la manière dont vous allez même chronologiquement agencer les différents outils, mais sur le fond il n'y a évidemment aucun problème. Et j'irai même beaucoup plus loin, il n'y a très souvent aucun souci du moment qu'on est bien conscient et conscient que le but du cours aujourd'hui c'est de vous montrer que ces méthodes ont des histoires différentes, il n'y a aucun problème à mêler des approches quantitatives à des approches qualitatives. On peut combiner des analyses statistiques sur un questionnaire à des entretiens qualitatifs ou des études de cas. Et souvent, c'est très riche. Le tout, c'est d'avoir le temps de faire tout ça. Il ne faut pas non plus être trop ambitieux. Dans votre cas, je crois que ça se combine bien. Parfois, il faudra dire à l'étudiant, c'est une bonne idée, c'est chouette, méthodologiquement, c'est créatif, Mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que vous êtes sûr qu'en 6 mois, 7 mois, 8 mois, vous allez avoir le temps de faire ça? Ça, c'est parfois la question de faisabilité qui se pose. Mais sur le principe, il n'y a aucun souci. Ok. Voilà, sans transition, c'est donc notre ami Malinowski au milieu de cette non moins d'amis partout de Nouvelle-Guinée. Donc c'est bien ce que je vous disais, si on veut synthétiser les choses, qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure on avait synthétisé l'approche quantitative, si on veut de la même manière un peu synthétiser l'approche qualitative, eh bien elle consiste, par rapport au quantique, à se focaliser sur les représentations des gens. Comment ce mammouth se représente sa condition d'opossum? Si vous voulez prenez ça dans une formule qui synthétise tout ce qu'on a raconté sur le quali. Quelles sont les valeurs subjectives qui motivent, là je parle comme Weber, qui motivent le comportement ou la façon de communiquer de tel ou tel individu? La façon de s'exprimer artistiquement de tel ou tel individu, c'est transposable. Peut-être que ici je ne parle jamais de la communication artistique. La semaine prochaine, vous verrez que dans les exemples qu'on a choisis pour les cadres théoriques, Nadège privilégiera je parle des exemples médiatiques et communicationnels, et ça. Moi, dans mes exemples, il y aura notamment un exemple d'analyse de production musicale, d'un point de vue communication. C'est transposable, évidemment. Dans leur développement processuel, Malinowski, tout ethnographe qui se fait, revient plusieurs fois sur son terrain. Il n'a pas dit, cool, j'ai un mois de vacances, de congé payé, je vis en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tranquille pour ma thèse. Non, il y est revenu plusieurs fois. On revient sur son terrain. De nouveau, la question de la faisabilité. Il faut avoir le temps de revenir. Mais une bonne approche ethnographique, on revient en principe sur son terrain. En interprétant des comportements, des témoignages, ainsi que les représentations et motivations sous-jacentes, en étudiant des cas particuliers, je crois que je l'ai assez dit, parfois les cas particuliers, les cas exceptionnels ne sont pas moins intéressants que les régularités statistiques. En fait, les deux sont intéressants et très souvent complémentaires. En analysant des interactions, mais ça, c'est des spécificités, ce qu'on peut faire avec une approche qualitative. Et nos outils sont l'entretien approfondi, l'observation persistante, l'analyse de discours. Toutes sortes d'outils qu'on aura l'occasion de discuter et de pratiquer pour la plupart dans le cadre de ce cours. Alors, je sais qu'il est 7h30, mais ça c'est une dia un peu plus compliquée. Dans certains livres, vous avez plusieurs. C'est un symbole pour dire là, vous avez un passage super dur, vous êtes fatigué, vous passez à la page suivante tout de suite. Mais ici, c'est pas possible. Donc, une diapositive un peu plus complète. Mais si vous avez suivi jusqu'à présent, ça ne devrait pas être exagérément compliqué. Quels sont les écueils du qualitatif? Tout à l'heure, j'ai été honnête, je vous ai montré les avantages du quantitatif. Je vous dis attention, il y a des écueils, il faut faire gaffe quand on traite des statistiques, corrélation des pas causalités. Je vous dis attention de ne pas négliger les exceptions à la règle, etc. etc. On a parlé d'un individu moyen piégé, etc. Maintenant, par honnêteté, je ne dois pas vous faire croire que le qualitatif, c'est la main ultime, c'est le truc qui va résoudre tous nos problèmes quand on est chercheur. Il y a des écueils, il y a des choses auxquelles il faut faire attention également. Alors j'aurais tendance à dire, d'un point de vue un peu plus philosophique, ce qu'on appelle l'épistémologie, la réflexion philosophique sur comment on peut connaître les choses, par le positivisme. Il y a un certain risque dans les approches qualitatives à parfois, tout le monde ne serait pas d'accord avec ça, mais à tomber dans une forme de relativisme. Je vous explique. Si j'estime, contrairement au positiviste, je dis positif, il estime qu'on a un rapport positif à la réalité. Ce que je vois, pas que j'en parle, mais mademoiselle tout à l'heure, avec ses cheveux châtains ou noirs, je ne sais toujours pas, mais enfin, j'ai un rapport positif avec elle, je peux la voir, je peux analyser la situation, je considère que la réalité existe, c'est ce qu'on appelle en philosophie de la connaissance une ontologie réaliste. Ontologie, c'est le statut qu'on donne à l'existant. Peu compliqué, mais enfin voilà. En philosophie de la connaissance, ontologie, c'est ce statut qu'on donne à ce qui existe. Je vais dire, si je suis un positiviste, ou un quantitatif, je simplifie un peu les choses, que la réalité existe, je peux l'étudier, je suis un réaliste. Par contre, dans les approches qualitatives, j'ai dit tout à l'heure, et c'est ce qu'on a fait pour analyser les interactions entre les mammouths, que pour comprendre, il fallait voir comment les gens interprétaient leur situation, comment les gens interagissaient. Comment, quelque part, ils redéfinissaient les choses. Et donc, une situation peut se dérouler, malgré que Manine Elie n'est pas un mammouth, comme si elle était un mammouth. Donc, quelque part, le statut que je donne à la réalité est un peu construite par les individus. On parle en sociologie, parfois, d'approche constructiviste. c'est dire que contrairement à l'approche positiviste, les individus construisent leurs relations sociales et parfois, si on pousse le bouchon un peu plus loin, pourquoi ne pas dire qu'ils construisent chacun leur petit monde. C'est pas aussi simple, on a des mondes partagés. C'est pour ça que si j'avais chanté du bel canto, vous m'auriez pris pour un taré, pas pour un super chanteur d'opéra. Donc on ne peut pas construire les mondes comme on veut, on est d'accord. Mais n'empêche que cette approche plus qualitative, où on étudie les motivations, les représentations, la manière dont les gens interprètent les situations, dont ils définissent les situations, c'est de dire d'une certaine manière que les gens construisent la société, construisent leur façon de représenter le monde, et dans certains cas, chez certains auteurs, ça va jusqu'à dire que la science elle-même, ben c'est un discours comme un autre. Si dans nos interactions de tous les jours, on construit, on entretient des représentations, ben les scientifiques, ils font pareil. Le discours scientifique, ça a l'air très sérieux, mais ça n'est qu'une manière, parmi d'autres, de représenter le monde et de causer sur le monde et d'avoir des interactions entre gens qui s'entendent et qui pratiquent le même métier. Et là, on tombe un peu dans le relativisme. Et je reviens à Descartes tout à l'heure qui nous disait, s'il y a une chose dont je ne peux pas douter quand je fais de la recherche, c'est je pense et je suis. Je suis capable de penser d'une manière critique. Si on considère que même le discours scientifique, finalement, ça ne sont que des représentations construites par les scientifiques, et qu'il n'y a pas quelque chose de plus réel derrière le discours scientifique que derrière les autres discours, on peut tomber dans le relativisme et dire la science, ça n'est qu'un discours comme un autre. Et certains philosophes disent ça. Et c'est particulièrement le cas dans ce qu'on appelle la philosophie postmoderne, le postmodernisme. On ne va pas rentrer dans les détails ici, c'est très intéressant, mais c'est un autre sujet. Ou ce qu'on appelle le programme fort du constructivisme. Ça, c'est les vrais de vrais, c'est les sociologues hyper constructivistes qui considèrent, mais alors, c'est parfois un peu compliqué quand on demande, oui, ok, vous dites ça, mais ce que vous dites est aussi construit quand vous dites que, c'est, que les gens construisent la réalité. Quand vous, vous le dites, vous construisez aussi un discours qui dit que les gens construisent la réalité. Ça ne s'arrête jamais, ce, vous voyez un peu ce que je veux dire, ça ne s'arrête jamais. Alors, ils disent, oui, mais moi, c'est au niveau de la méthode que je dis ça. Je pense quand même qu'il y a quelque chose de vrai. Donc, ce que je veux dire, en résumé, c'est que les approches qualitatives, elles sont super importantes. Elles nous permettent de comprendre les motivations, elles nous permettent de comprendre les représentations, la manière dont les gens définissent la situation et souvent la manière dont, en fonction de leur définition de la situation, ils communiquent entre eux, et par le biais de médias. En revanche, je ne crois pas, à titre personnel, qu'on puisse aller jusqu'à dire que même la, le discours de recherche, le discours scientifique, n'est qu'un discours construit, qu'une façon de voir les autres, de voir le monde parmi un millier d'autres. Parce que si on dit ça, ma foi, je préfère faire autre chose, à lui, je préfère chanter du bel canto, faire de la recherche. On perd la spécificité. Non, c'est un débat ouvert, il n'y a pas de solution à ça. Mais c'est une question que je pose. Viens voir, quand on est dans une approche positiviste, la réalité existe et j'ai un rapport positif en tant que chercheur à la réalité. Si je suis dans une approche plus qualitative, je considère que les individus construisent à des degrés divers la réalité dans laquelle ils évoluent et communiquent. Et dans des cas extrêmes, parfois, on tombe dans un relativisme qui, moi, me semble exagéré. Parce que si on est relatif, comme je dis, tout est relatif, comme voilà, ça c'était un peu pour ouvrir des portes en philosophie de la connaissance et des sciences. Ça va un peu au-delà de ce qu'on veut dire aujourd'hui, mais je crois que c'est important d'avoir ces quelques notions à l'esprit quand on fait un master en sciences humaines. Ok. On est presque au bout. Ce diapositive compliqué, je trouve que ça vous paraît complètement profil. Quelques autres écueils des approches qualitatives. Et de nouveau, ça c'est ce que moi je vous dis, peut-être qu'un autre chercheur vous dirait « Ah non, moi j'adore ces approches-là ». Il y a ce qu'on appelle la « grounded theory » en sciences humaines, en communication ça existe aussi. En français, on dit parfois la « théorie ancrée ». Et ça a été développé par Glaser et Strauss, deux chercheurs américains. Et ça consiste finalement, de nouveau je simplifie leur concept, c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir d'une théorie a priori, qu'il faut faire, c'est une approche vraiment inductive, il faut faire émerger la théorie de ce qu'on observera sur le terrain. Et pas avoir trop de lunettes, comme on disait tout à l'heure, théorique à priori. Bon, je crois que c'est, si on pousse cette logique à l'extrême, ça ne se tient pas, parce qu'on a toujours des théories à priori. Il est impossible de ne jamais rien avoir lu, et même le choix du terrain qu'on va faire est toujours orienté parce qu'on a lu certaines choses et qu'on a certains cadrages à priori. Donc je crois qu'il est plus intéressant d'être conscient des cadrages qu'on a que de se faire illusion en croyant qu'on peut observer la réalité sans aucun cadrage théorique. Mais il y a cette approche de Glaser et Strauss, la grounded theory, la théorie ancrée, que je simplifie ici, mais enfin, qui consiste à dire la théorie doit venir après. On observe et après on se penchera sur la théorie. Personnellement, je crois qu'il vaut mieux lire quand même un petit peu avant d'observer, avoir conscience des lunettes que d'autres chercheurs ont chaussées avant vous sur un sujet similaire, et puis se lancer dans l'observation. De nouveau, tout ça se discute. Également, un risque avec les méthodes qualitatives, c'est de tomber dans trop de subjectivité. Sans que ça tombe au point, comme j'ai dit tout à l'heure, de tomber amoureux de la personne à qui vous faites passer un entretien, ça sera un peu extrême, mais on pourrait imaginer qu'un chercheur pris par son terrain, par la passion de son terrain, un monsieur qui va observer des créations artistiques et il trouve ça fascinant, où il est lui-même un créateur, il est lui-même impliqué là-dedans, il y a peut-être un risque à ce niveau-là, hein, que notre ami ici, emporté par son sujet, oublie un peu trop qu'il est aussi chercheur et finalement s'implique trop émotionnellement, trop objectivement dans son sujet de recherche et dans son observation qualitative. Alors il n'y a pas de solution miracle à ce problème-là, ainsi ce n'est d'alterner les moments d'implication et puis les moments de retrait un peu analytique. Alors une chose qui est très forte, on y reviendra à notre cours, mais c'est de tenir un journal de bord où on note ses observations de chercheurs au jour le jour. Et ça permet le soir de prendre un peu de distance et de revenir sur ce qui s'est passé en le pensant un peu d'une manière plus critique. Alors, il y a un exemple qu'on donne très souvent dans les cours de méthodo sur cette question de l'implication, la désimplication. C'est dans les sciences humaines françaises, c'est celui de Jeanne Fabre-Sada, dans un ouvrage de 77 ou 76. Les mots, les peu importe à noter, pas ça. Jeanne Fabre-Sada, ethnographe, ce qu'elle étudie, c'est les pratiques de sorcellerie, mais pas chez les Papous de Nouvelle-Guinée, les pratiques de sorcellerie dans les bocages français, hein, du nord-ouest français. Et donc, il y avait, encore j'en sais rien, spécialement expert dans ces questions de sorcellerie, mais il y avait des pratiques assez développées d'envoûtement et de désenvoûtement dans les populations rurales françaises du bocage français dans les années 70, dans les années 70. Et Jeanne Fabre-Sada a exploré ça. Et au début, elle avait une approche assez distante. Elle était ethnographe, mais elle essayait vraiment de garder ses distances. Elle faisait des entretiens avec des personnes qui s'étaient dites victimes de sorcellerie. Mais le problème, très rapidement, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne rencontrait que des victimes de sorcellerie et jamais de sorciers. Alors ce qu'elle a décidé un jour consciemment de faire, dans son approche, attention à mademoiselle, je vais vous ensorceler parce que vous n'arrêtez pas de parler, et je ne sais pas ce qui va se passer. Jeanne Fabre-Sada donc décide alors, pour être impliquée dans son terrain, de prétendre aux personnes qu'elle rencontre qu'elle a elle-même été victime d'un ensorcellement. Parce que quand vous avez été ensorcelée, après vous pouvez prétendre désensorceler les autres. Et à ce titre, après quelques mois d'implication sur son terrain, elle prétend pouvoir désensorceler des paysans. Et c'est comme ça, en étant elle-même impliquée dans ce rythme cyclique des ensorcellements et des désensorcellements, le bouquin est vraiment passionnant à lire. À l'époque, on l'a beaucoup critiqué, justement, est-ce qu'elle a été trop loin dans l'implication? Elle a toujours dit non, parce que tous les mois, je quittais mon terrain et pendant 15 jours, je retournais à Paris, tous les 2 mois, je ne sais plus, et je prenais des distances. Et puis je retournais sur mon terrain. Un exemple un peu extrême, tout le monde va pratiquer les sorciers. Mais enfin voilà, c'est un exemple d'implication sur le terrain, de retour distancié et de réimplication sur le terrain. Un autre risque possible avec les méthodes qualitatives, mais ça on ne sait rien y faire, c'est que les expériences sont moins productives. Tout à l'heure je vous avais dit avec le quanti, ce qui est cool, c'est que les données quanti, les statistiques, les tests statistiques, on peut les reproduire facilement. Ce que vous avez observé un jour chez un tel endroit, il est pour ainsi dire impossible de le réobserver de la même manière à un autre moment. Le contexte a changé, les gens ont changé, même de manière mineure. Vous ne pouvez pas reproduire une même situation deux fois si vous avez une approche qualitative. Votre regard est sélectif. Vous êtes sur le terrain d'observation participant, mais vous ne savez pas tout observer à tout moment. Et c'est pour ça aussi que je crois que c'est super important, même en quali, d'avoir un cadrage théorique minimal avant, pour savoir ce sur quoi vous allez porter votre attention. Quels sont les concepts que vous allez essayer d'observer, en tout cas de transposer dans la réalité observée, quels sont les cadres d'analyse que vous allez utiliser, en avoir une idée minimale avant le terrain, c'est un moyen d'être conscient de la sélectivité de votre regard, parce que finalement tout observer, c'est ne rien observer, même si vous utilisez des appareils photo, des caméras, que sais-je, vous ne pouvez pas tout observer et après vous dire je vais tout regarder et tout analyser, c'est juste impossible. Il y a une sélectivité du regard, et puis l'implication du chercheur, je crois que j'en ai assez parlé, c'est parfois un problème, que ce soit quand on observe des sorciers ou quand on observe des pratiques artistiques, il faut toujours joue avoir ce juste jeu entre la réplication et la désimplication. Alors pour terminer, encore on l'avait fait pour le cantique des écueils du cantique, on a fait pour le cali des écueils du cali. Finalement, comment les dépasser? Quels sont les moyens méthodologiques pour ne pas tomber dans ces écueils, ou en tout cas s'en prémunir au maximum? Vous allez voir qu'il y a certaines choses qu'on a déjà évoquées avec les exemples dont on a parlé jusqu'à présent. Mais c'est d'abord avoir une démarche de recherche très solide. C'est un peu ce que je disais à monsieur tout à l'heure. C'est très bien de combiner les méthodes, mais soyez conscient de ce que vous utilisez. Pourquoi vous articulez telle méthode avec telle autre méthode dans l'approche globale? Il ne faut jamais répondre parce que, ou je ne me suis jamais posé la question. Non, il y a une vraie raison. J'ai rajouté des entretiens parce que mon observation ne me donnait pas tout ce que j'avais envie de comprendre sur telle ou telle pratique et j'ai pensé qu'il fallait interroger, ou bien parce que l'observation a émergé des cas exceptionnels, hein, les Élie et les Manie de la création artistique, et c'est ces personnes-là que j'ai estimé nécessaire d'interroger de manière plus approfondie. Donc faire une solidité de la démarche globale, faire des choix en toute conscience des implications épistémologiques, ça c'est tout l'objet du cours d'aujourd'hui. Si vous avez bien suivi, vous devez être conscient maintenant que choisir telle ou telle méthode, c'est s'inscrire dans une très longue histoire qui remonte, vous avez montré le plus ancien de tous ceux dont on a parlé aujourd'hui, c'est Aristote, donc il y a 2500 d'histoire derrière nous. Essayez d'objectiver son propre rapport aux valeurs et aux biais possibles. Weber a beaucoup travaillé sur ça, la neutralité axiologique du chercheur. Axiologique, c'est un mot compliqué de dire des valeurs. Donc, pourquoi c'est bien de mettre un mot compliqué aussi comme ça? Je peux quand même montrer que je ne connais pas que le café. Donc, le rapport axiologique de Weber, c'est dire que le chercheur, il doit être conscient de ses propres valeurs. Quand il s'implique dans un terrain, il faut, avant de rentrer sur son terrain, c'est de poser la question, quel est mon rapport à ces valeurs? Alors, c'est parfois plus fort que d'autres. Je me souviens d'un étudiant, il y a quelques années, qui avait fait son mémoire sur le milieu du Front National, et qui n'était pas du tout de cette couleur politique, mais il avait dû vraiment se positionner idéologiquement pour voir comment il allait aborder le terrain, poser ses questions, éviter que, enfin il avait envie de réagir à certaines choses, mais peut-être ne pas réagir pour ne pas biaiser l'observation. Donc il y a tout un jeu de réflexion qu'on doit faire avant si possible, mais continuer à faire pendant l'observation, sur nos propres valeurs, et surtout sur la manière dont nos propres valeurs, c'est pas grave, c'est même très bien qu'on ait des valeurs, mais il faut être conscient de l'impact que nos propres valeurs a sur la manière dont on dispose le dispositif méthodologique et dont on va analyser les données. En fait, il n'y a pas de souci à avoir des valeurs, à avoir des orientations plus liées à nos valeurs. Ce qui est un problème, c'est si on n'en a pas conscience et si on n'analyse pas par réflexivité dans notre recherche. Alterner application et prise de gestion, je crois que j'ai assez dit encore cet exemple de Jean-Pierre Sarda et les sorciers du bocage. Et finalement, parce que je l'ai dit aussi, nous avons anticipé, décrire, c'est toujours un très bon plan, hein, je décris régulièrement dans un carnet de bord, hein, vos observations, donc, et ça peut être de tout ordre, hein, ça peut être à la limite des choses qui vous ont marqué émotionnellement, vous le notez, comme ça, après coup, quand vous faites l'analyse générale, vous me direz, ah oui, est-ce que ce jour-là, vu que j'ai noté que j'avais été très impliqué émotionnellement, que j'ai été choqué, est-ce que ça n'a pas eu un impact sur la manière dont j'ai posé les questions? Et ainsi, vous tenez compte des aspects plus subjectifs dans l'analyse après toutes vos données. Mais ce carnet de bord, il est super important parce que 3 ou 4 mois après, vous ne vous souviendrez pas, vous avez été, pas toujours en tout cas, hyper touché par telle interview, ou bien hyper énervé par cette situation d'observation participante. Donc notez un maximum, même à la limite, notez ça à tort et à travers. Hein. Il sera toujours temps de mettre de l'ordre après coup. Il vaut mieux noter des choses en trop dans un carnet de bord que des choses en trop peu. Ça n'est pas l'analyse de carnet de bord, c'est uniquement ce qui vous permet, ce qui vous aide à avoir ce jeu d'engagement et dégagement. J'arrive à préciser son rapport aux valeurs. Les valeurs sont par exemple subjectives. Pour moi, si vous avez les valeurs, alors, oui. J'ai dit objectivé, vous savez, peut-être que ce n'est pas le meilleur terme. Je peux peut-être dire, mais le mot est plus compliqué. Avoir une réflexivité sur ces valeurs. C'est-à-dire qu'on va pas seulement réfléchir. Peut-être les objectiver dans le sens de les mettre à distance dans les consciences. Mais ça reste subjectif, évidemment. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est réfléchir, avoir une réflexivité et en être conscient pour voir l'impact, pas nécessairement même neutralisé, mais conscient de l'impact que ça peut avoir sur votre recherche. C'est vraiment la dernière diapositive. Non, c'est vrai, c'est pas c'est vrai. C'est l'avantage du tentative, on peut toujours dire à qui en fait. C'est pas bon plan à deux, par contre, vous avez pas beaucoup de questions et après le délire, vous êtes toujours en train de. Bon, ok. Comment peut-on encore essayer de contrecarrer ces biais possibles liés au qualitatif? Mais en pratiquant ce qu'on appelle une triangulation, hein, c'est-à-dire, hein, comme dans un triangle, on ne se contente pas d'une seule interaction entre le chercheur et la personne, hein, qui fait l'objet de l'enquête, mais on essaie d'avoir un troisième terme. Alors le troisième terme, ça peut être, enfin, quand on a beaucoup de moyens, une vraie équipe de recherche, un deuxième chercheur qui va être actif sur les mêmes terrains. Et en confrontant les observations, c'est un moyen peut-être de neutraliser des biais qui auraient été dus aux valeurs ou à la subjectivité d'un des deux chercheurs. Donc, trianguler, c'est rajouter un tiers terme au dispositif de recherche, que ça soit un troisième chercheur, un deuxième chercheur, pardon, voire un troisième, sur un tel moyen. Que ça soit, c'est l'exemple de monsieur tout à l'heure, combiner deux méthodes, ça peut être combiner une méthode qualitative avec une approche plus macro de type quantitatif, ça peut être très intéressant. Que ça soit combiner des espaces, ne pas faire tout, ça dépend du thème de recherche, mais on ne peut pas parler en généralité ici, mais combiner, ne pas faire toutes ces enquêtes qualitatives sur le même espace, sur le même lieu, mais combiner plusieurs lieux si ça s'y prête, revenir sur son terrain plusieurs fois dans le temps, rajouter un troisième terme, un terme temporel, un terme spatial, un deuxième chercheur, vous avez compris la logique. Donc, essayez de trianguler le dispositif. Croiser les témoignages avec des faits. C'est pas parce qu'on interroge quelqu'un qu'il faut prendre pour argent comptant tout ce qu'il raconte et ne pas se préparer à l'entretien. On est bien sûr qu'on est en train d'entretien, mais un entretien, ça se prépare. Ah, si vous préparez, je vais vous donner un exemple concret. Quand j'ai travaillé sur ma thèse sur la communication scientifique, j'ai rencontré plein de chercheurs. C'était une recherche sur les chercheurs. Et j'avais des entretiens avec ces personnes. J'essayais de voir un petit peu, peu importe le fond du truc, comment ils avaient publié, où ils avaient publié, sur quel sujet, est-ce que ça leur avait valu comme promotion ou pas dans leur carrière, etc. Donc c'était un peu voir comment la carrière des chercheurs était liée avec ce qu'ils ont publié ou pas publié. Bon. Donc ça veut dire qu'avant, les gens qui rencontraient, avant d'aller les voir, j'avais quand même regardé leur bibliographie, j'avais essayé de lire quelques articles, j'avais un peu analysé les choses. Il ne faut pas non plus qu'ils me racontent n'importe quoi, j'ai une connaissance de ce qu'ils ont vraiment publié, pas qu'ils me racontent qu'ils ont publié une encyclopédie, s'ils ont publié une opinion dans l'histoire. Pas mal de minutes en soi, c'est pas la même chose. Bon, et je me souviens d'un chercheur, je ne le nommerai pas, qui n'est pas dans cette université, qui n'est même pas dans l'université belge francophone, j'avais peut-être une mission là, mais cette personne, j'avais vu qu'elle travaille toujours dans le même genre de cadre théorique. C'était toujours les mêmes auteurs, qui étaient assez fréquents, souvent les chercheurs ont leur cadre théorique. Je ne sais pas bien qu'ils y restent tout le temps, mais enfin, il y a des auteurs qui apprécient plus d'autres, et des cadres qui apprécient plus que d'autres. Et dans le travail de ce chercheur, de ce professeur, il y avait un article qui n'avait vraiment rien à voir, où il citait constamment le sociologue français Bourdieu. Et ça m'avait vraiment surpris, parce que les autres travaux de ce bonhomme n'étaient pas du tout dans la ligne sociologique de Bourdieu. Donc ça m'avait étonné. Et on entretient des questions faciles, des questions agréables. La personne, le but, c'est pas de mettre des gens à l'aise, ça je veux dire. Mais quand il y a des questions plus difficiles, c'est bien de l'amener pas directement. Et j'ai dit, tiens, je vais parler de manière compliquée, j'ai dit. J'étais un peu surpris, nous avons aussi travaillé dans cet article-là sur un cas théorique inspiré de l'habitude de l'homme. Bon, okay. Et je vois que le bonheur est un peu embêtant, un peu embêté. Et on tourne un peu autour du pot, donc on va lancer un peu sur l'entretien, on répète la question autrement, on essaie de l'amener à reformuler les choses. Et là, il apparaît que ce chercheur n'était pas vraiment l'auteur de l'article en question, mais que c'était. Un étudiant en mémoire qui avait fait un doctorat, je crois qu'il lui avait demandé l'autorisation, mais il en a fait un article sans citer comme co-auteur l'étudiant du mémoire. Et évidemment, l'étudiant avait un autre cadre théorique que le cadre théorique habituel du professeur. Et donc, ce professeur avait utilisé l'article, sans doute avec l'accord de l'étudiant, pour écrire un article de plus, et ce n'était pas son cadre théorique habituel. Donc, vous voyez, ce que je dis par là, ça m'aurait échappé si je n'avais pas un peu étudié l'introduction de la personne avant de la rencontrer. Si on va les mains dans les poches, Grounded Theory 810, moi je verrai la théorie en tête, ok, peut-être bien, mais ce genre de choses nous échappent. Donc il faut quand même préparer son entretien, il faut quand même, un minimum, ne pas se laisser dire n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra. Et avec ça, je vais continuer la séance de